Section 18, chapitre 30, chapitre 31. Chapitre 30, 4 contre 1. Jude avait été introduit, comme nous l'avons dit, par la vieille femme de charge, et avait attendu son maître sur le lit de camp, qui se trouvait dans un coin de la chambre. Il s'était fort étonné lorsqu'il avait vu Didier endormi, apporté par deux valets, et son inquiétude avait redoublé, mais il était resté coi afin de n'être point aperçu. À plusieurs reprises, quand les valets furent partis, il appela son maître à voix basse. Celui-ci, plongé dans un sommeil de plomb, n'eut garde de lui répondre. Le breuvage que lui avait versé maître Alain au souper était une préparation opiacée, mêlée à forte dose au vin de Guyenne, si bien apprécié par M. de Béchamel. Ce silence obstiné mit une lugubre appréhension dans l'esprit de Jude. « C'est étrange, pensa-t-il. Serait-ce un cadavre que ces hommes viennent d'apporter ?» Il se leva doucement et posa sa main sur le cœur du jeune homme qui battait fort tranquillement. « Il dort, se dit Jude, avec un soupir de soulagement. Que Dieu lui donne un long et tranquille sommeil !» Ce souhait devait être rempli, outre mesure. Au moment où Jude regagnait sa couche, le fracas de l'attaque éclata de toutes parts. Le vieil écuyer prit son épée et se tint prêt à tout événement. Au bout de quelques minutes, il entendit un bruit de pas dans le corridor et saisit quelques mots de la conversation des quatre assassins. « Il faut pourtant l'éveiller, se dit-il. » Il secoua rudement Didier qui resta inerte et comme mort. Le brave écuyer de Guerlas prit son parti et se plaça devant le lit, l'épée haute. « Si c'est Pellerouan, pensa-t-il, je l'adjurerai au nom de Trême. Et d'ailleurs, Pellerouan ne frappera pas un homme endormi, j'en suis sûr. Mais si ce n'est pas Pellerouan... » En guise de réponse à cette embarrassante question, Jude assura son épée et se mit en garde. Au même instant, la porte fut ouverte et donna passage aux estafiers de Vaunois. Pour être plus vieux de 20 ans, Jude Lesquer n'avait point perdu cette robuste et martiale apparence qui avait donné jadis à réfléchir aux rouées de la suite du régent. Dans la position qu'il avait prise devant le lit du capitaine, sa grande taille se développait fièrement et montrait, à la vacillante clarté de la lanterne, le vigoureux dessin de ses formes athlétiques. Sur son visage régnait ce calme profond qui, lorsqu'un homme est en face du péril, annonce une détermination indomptable. Son regard restait lourd, presque apathique, et chacun de ses muscles gardait l'immobilité de l'acier. Au seul nom de Jude, la pierre crut deviner une alarmante complication. La présence de l'ancien écuyer de Trême auprès du capitaine rendait plus irrévocable, s'il est possible, l'arrêt de mort qui pesait sur ce dernier, car cette réunion n'était peut-être pas due au hasard, et en tout cas, elle donnait une force nouvelle au motif que Vaunois avait de redouter Didier. Le premier mouvement de la pierre fut donc d'ordonner l'attaque, mais un coup d'œil jeté sur la ferme attitude du vieil écuyer retint cet ordre sur sa lèvre. Il connaissait de réputation Jude, qui avait passé autrefois pour le plus vaillant homme d'armes du pays rennais, et ce qu'il voyait de lui n'était point fait pour démentir cette renommée. Jude était seul, mais des quatre estafiers, deux étaient des valets pris pour faire nombre. Le troisième, maître Alain, vieillard débile et usé par le vice, chancelait déjà sous le poids d'une ivresse fort avancée. Le quatrième, enfin, qui était la pierre en personne, pouvait, poussé à bout, ne pas être un adversaire à dédaigner. Mais la guerre n'était point son fait, en définitive, et il ne combattait jamais qu'au pis-aller. De sorte que les forces en présence, sans se balancer exactement, n'étaient pas non plus trop inégales. Maître Alain était au flanc de Jude, à bonne distance, il est vrai. La pierre faisait face, et les deux valets se trouvaient entre ce dernier et le majordome. Après cette courte réflexion, la pierre baissa son épée et remit son poignard à sa ceinture. « Mon compagnon, » dit-il à Jude d'un ton délibéré, « le vénérable maître d'hôtel de la Trémelay prétend vous reconnaître pour un ancien serviteur de la maison. À ce titre, je me déclare fort joyeux de faire votre connaissance. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous livrer passage, afin que nous puissions accomplir notre tâche ?» Jude ne répondit point et demeura immobile. « Mon compagnon, » reprit la pierre, « nous sommes quatre et vous êtes seul. En outre, si vous voulez prendre la peine d'ouvrir vos oreilles, vous ne douterez point que nous n'ayons dans le château de nombreux auxiliaires. » Le fracas redoublait en effet. Les loups avaient fait éruption à l'intérieur. C'était un vacarme assourdissant qui eût éveillé un mort. Pourtant, le capitaine dormait toujours. « Mon compagnon, » dit pour la troisième fois la pierre qui prit un ton caressant et envoya un rapide coup d'œil à ses gens. « Je serais fâché d'user envers vous de violence, mais... » Il n'acheva pas. Les cinq épées lancèrent à la fois cinq gerbes d'étincelles. Il y eut un court cliquetis. Maître Alain tomba sur ses genoux en poussant un gémissement sourd, et l'un des valets mesura le sol au milieu d'une mare de sang. Jude, qui s'était fendu deux fois, coup pour coup, se remit en garde bellement. La pierre recula, ainsi que le second valet. Le mauvais succès de la traîtreuse attaque qu'il avait tentée au moment même où il semblait vouloir parlementer le déconcerta quelque peu, et il jeta un piteux regard sur ses compagnons hors de combat. « Vertu Dieu, grommela-t-il, ce n'était pas trop de quatre, en effet. Lève la lanterne, Jacques. » Jacques n'avait pas été touché, il obéit. La lumière tomba d'aplomb sur le juste corps de Jude, et la pierre poussa un cri de joie. Le vieil écuyer restait droit et ferme, mais son sang coulait abondamment, par trois blessures. L'assaut n'était pas si mauvais que la pierre l'avait cru d'abord. « Il ne s'agit que d'attendre, » reprit-il en ricanant. Toute son insolence était revenue. Il ajouta, « Du diable s'il reste un quart d'heure debout avec ces trois saignées. Attention, Jacques, il est à nous. Fais comme moi, accule-toi au mur et reste en garde. S'il quitte sa position pour m'attaquer, tu iras au lit et tu feras l'affaire. Si c'est toi qui l'attaques, je me charge du capitaine. S'il se tient tranquille, ne bougeons pas. Dès qu'il tombera au bout de son sang, nous achèverons notre besogne. » Jacques obéit encore. La pierre et lui s'adossèrent au mur. Maître Alain et l'autre valet gisaient à terre, sans mouvement, et morts, suivant toute apparence. Jude envisagea sa situation avec tout le calme de son stoïque courage. Sa situation était désespérée. La pierre, l'effronté coquin, avait parfaitement établi le dilemme. Jude ne pouvait se sauver qu'en attaquant, mais s'il attaquait, Didier était mort. Le choix de Jude ne pouvait être douteux, il garda son poste. Cependant, il se sentait faiblir de minute en minute. Ses forces s'en allaient avec son sang. Une fois, le bruit que faisaient les loups s'approcha dans la direction de la chambre. Jude eut une lueur d'espoir. « Pellerouan ! » cria-t-il. « Au secours !» Mais le bruit s'éloigna et Pellerouan ne vint pas. « Holà ! » dit la pierre. « Le charbonnier se mêle-t-il aussi de protéger l'orphelin ? Heureusement, il est à trop bonne distance pour entendre. Et puisque ce brave garçon appelle ainsi les absents, c'est signe que sa cervelle déloge. Il a chancelé, sur ma foi. » Jude se redressa vivement, mais la pierre ne s'était point trompée. Il avait chancelé. En se relevant, il dit « Monsieur le capitaine, éveillez-vous. » « Ah ça !» murmura l'ancien saltimbanque. « C'est un taureau que cet écuyer. Il a déjà perdu plus de sang qu'il n'y en a dans mes veines, et il est encore debout. Si l'autre allait finir son somme, nous serions ici à terrible fête. » Jude pâlissait et haletait. « Éveillez-vous, monsieur le capitaine » cria-t-il encore d'une voix affaiblie déjà. « Éveillez-vous !»« Pourquoi ne pas lui donner le nom de son père, mon compagnon ?» demanda la pierre avec ironie. « Allons, ne te gêne pas. Ce nom prononcé en ce lieu aurait peut-être une vertu magique. » Jude ne comprenait point. Il mit la main sur une de ses blessures afin d'arrêter le sang. Mais la pierre, impitoyable et pressée d'en finir, simula une attaque qui le força de se remettre en garde. Le sang coula de nouveau. « Éveillez-vous, monsieur ! Éveillez-vous !» cria pour la troisième fois Jude, qui s'appuya, épuisé, aux colonnes du lit. Didier dormait toujours. Jude, à bout de force, lâcha son épée, glissa le long du lit et tomba dans son sang. « Dieu ne veut pas que je meure pour Trémle !» murmura-t-il avec un douloureux regret. « Et pour qui donc meurs-tu, mon brave garçon ?» s'écria la pierre en éclatant de rire. « Est-ce que par hasard tu ne saurais pas ? Ce serait une excellente plaisanterie !» Il s'approcha de Jude qui respirait avec effort et ne bougeait plus. « Mon compagnon, » dit-il en lui tâtant le pouls, « tu as encore 3 minutes à vivre pour le moins. Veux-tu que je te conte une histoire ? Qui ne dit mot consent. Eh, retiens-toi de mourir, cela va t'amuser. » Un soir, figure-toi, je passais par la forêt de Rennes. J'étais saltimbanque de mon métier et j'avais besoin d'un enfant. Ton pouls a l'air de vouloir s'éteindre. Un peu de patience, que diable. Sur le revers d'un fossé, j'aperçus une jolie petite créature emmaillotée de peau de mouton. Je laissais la peau de mouton, mais j'emportais l'enfant qui faisait justement mon affaire. Une fois à Paris, aurais-tu dessein de me fausser compagnie ? J'abrège. Cet enfant grandit. Le hasard le fit échapper à ma tutelle. Il devint page de M. le comte de Toulouse, puis gentilhomme de sa chambre, puis « À la bonne heure, voici ton pouls qui recommence à battre comme il faut, puis capitaine de la maréchaussée. Devines-tu » Une légère et furtive rougeur monta au visage de Jude, qui néanmoins demeura immobile et garda ses yeux fermés. « Tu ne devines pas ?» reprit la pierre. « Eh bien, je vais te mettre les points sur les i pour que tu t'en ailles content dans l'autre monde. Cela t'expliquera en même temps pourquoi nous sommes ici de la part d'Hervé de Vaunois, l'enfant que je trouvais dans la forêt avait nom Georges Trême. » À peine la pierre avait-il prononcé ce nom qu'il poussa un cri de rage et de douleur. Un mouvement d'incommensurable joie venait d'emplir le cœur de Jude et galvanisait son agonie. Le bon écuyer, retrouvant vie pour un instant au nom adoré du fils de son maître, avait étreint, par un suprême effort, la gorge du saltimbanque qu'il tenait renversée sous lui. « Au secours, Jacques !» râla celui-ci. Jacques s'élança, mais non pas assez vite. Jude avait ressaisi son épée et la plongea de toute sa force dans la poitrine de la pierre. Puis, s'appuyant d'une main aux colonnes du lit, il reçut le choc du dernier valet. C'était encore un champion redoutable que Jude l'équerre à sa dernière heure. Le valet, grièvement blessé dès les premières passes, jeta son arme et s'enfuit. Jude se traîna jusqu'à la lanterne qui, éteinte à demi et oubliée par terre, éclairait d'une lueur faible les résultats de cette scène de carnage. Il la prit, ranima la flamme, et cédant de ses mains, il regagna le lit où Didier, subissant toujours l'effet du narcotique, dormait son léthargique sommeil. Ce fut avec une peine infinie que le bon écuyer, rassemblant tout ce qui lui restait de force, parvint à se relever. Il s'appuya d'une main sur les matelas, de l'autre, il dirigea l'âme de la lanterne sur le visage de Didier. Le capitaine était couché sur le dos, dans la position où l'avaient placé les valets de Vaunois. Il n'avait point bougé depuis lors. La lumière tomba d'aplomb sur ses traits hardis et réguliers. Jude se mourait, mais sa joie atteignit au délire. Il contempla un instant Didier endormi, une extatique allégresse illumina sa simple et honnête physionomie, tandis que deux larmes brûlantes sillonnaient lentement le hâle de ses joues. « C'est lui, murmura-t-il enfin, que Dieu le sauve et le bénisse. Voilà bien le front de Trême, et ses yeux fermés, je m'en souviens maintenant, sont bien les yeux d'un Breton, hardis et bons. Oh, c'est un beau soldat que le dernier fils de Trême, c'est un digne rejeton du vieil arbre. Si je l'avais reconnu plus tôt. » Il prit la main de Didier et se pencha sur elle, ne pouvant la soulever jusqu'à sa lèvre. « Notre monsieur, mon fils, » poursuivit-il avec une passion si ardente que les dernières gouttes de son sang loyal remontèrent à sa joue, « éveillez-vous pour que je vous salue du vaillant nom de vos pères. Éveillez-vous, enfant de Trême, votre vie sera belle et glorieuse désormais. » Il s'arrêta. Son regard exprima tout à coup une terreur. « mon Dieu » cria-t-il d'une voix sourde. « Il dort et je vais mourir en portant son secret, son bonheur, tout ce que Dieu vient de lui rendre. » Jude regardait maintenant son jeune maître avec des yeux découragés. La vie l'abandonnait, il le sentait, et c'était pour lui une accablante angoisse que de faire défaut pour ainsi dire au dernier Trême, que de l'abandonner en ce moment suprême, où un seul mot, prononcé et entendu, lui rendait fortune et noblesse. « Je ne veux pas mourir, » reprit-il avec effort. « Ce serait trahison. Il faut que je vive pour le servir et pour l'aimer. Arrête-toi donc, mon sang, tu es à lui, tout à lui. Notre-Dame de Miforêt, Sainte-Mère du Christ, ayez pitié. Qu'il s'éveille ou que je vive. Sainte Vierge, la mort est sur moi. C'est la première fois que j'ai peur. » Le malheureux vieillard tremblait son agonie et avait besoin de ses deux mains pour se retenir aux couvertures du lit. Une minute se passa, pendant laquelle il souffrit un martyre que nous n'essaierons pas de dépeindre. Puis ses mains glissèrent lentement le long des couvertures. « Éveille-toi, éveille-toi » râla-t-il. « Écoute, écoute-moi, notre monsieur. Il y a dans le creux du chêne de la fosse aux loups un parchemin et de l'or. Tout cela est à vous, Georges Trême, à vous. Moi, je suis un mauvais serviteur. Je meurs quand vous auriez besoin que je vive. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Trême, Trême. » Ses jambes fléchirent. Il tomba pesamment à la renverse en prononçant une dernière fois le nom idolâtré de son maître. Un silence de mort régna dans la chambre pendant quelques minutes. La lanterne demeurée sur le lit jetait encore par intervalles de tristes lueurs sur cette scène de désolation. Tout à coup, on entendit un long et retentissement bâillement. L'un des cadavres s'agita et se mit à étirer ses membres comme on fait après un bon sommeil. Ce cadavre était celui de Maître Alain, le majordome, lequel n'avait d'autre blessure qu'un large trou fait à son pourpoint. Le vieux buveur était tombé au choc de Jude, et moitié par frayeur, moitié par ivresse, il ne s'était point relevé. Or, on sait qu'un homme ivre, si poltron qu'il puisse être, s'endormirait à 10 pas de la bouche d'un canon. Maître Alain s'était endormi. En s'éveillant, son premier soin fut de donner une marque d'affection à sa bouteille carrée. Il ne se souvenait de rien. Après avoir avalé une ample rasade, il se leva, chancelant et plus ivre que jamais. « Pourquoi diable suis-je hors de mon lit ?» se demanda-t-il. Un coup d'œil jeté autour de lui éclaira sa mémoire. « Oh, oh ! » dit-il, « la bataille est finie. Voici mon vieux compagnon Jude dans l'état où je le désirais, et ce jeune coquin de Georges Trême. Il dort comme un bienheureux. Ma foi, je vais achever la besogne. » Il prit son poignard et marcha laborieusement vers le lit, non sans dire un mot en chemin à sa bouteille pour se donner du courage. Au premier pas, il trébucha contre le corps de la pierre. « Tiens, gronda-t-il, le voilà qui dort aussi. La pierre, viens m'aider, mon garçon. » La pierre n'avait garde de répondre. Maître Alain se pencha sur lui et lui mit le goulot de son flacon carré dans la bouche. « En veux-tu » demanda-t-il, suivant sa coutume. L'eau-de-vie se répandit à terre. Maître Alain se releva. « Il ne boira plus, » dit-il avec solennité. Au moment où il arrivait à portée du lit, il s'arrêta pour écouter une voix douce, mais éplorée, qui chantait dans la cour, sous la fenêtre, un couplet de la romance d'Arthur de Bretagne. « Joli moment pour chanter, » murmura-t-il. La voix s'interrompit et prononça tout bas, avec un accent désolé, « Didier, Didier !»« Présent, » dit en riant le majordome. « Allons, un autre couplet, encore un couplet !» La douce voix de jeune fille, comme si elle eût voulu obéir à cet ordre ironique, reprit cette partie de la complainte qui raconte les douleurs de la duchesse Constance de Bretagne, et chanta d'une voix pleine de larmes. Elle cherchait, dans sa détresse, la forteresse où l'Anglais tenait enfermé son bien-aimé. Puis elle dit encore « Didier, oh Didier, où es-tu » Le vieux majordome, réduit à l'état d'enfance par son ivresse, s'approcha curieusement de la fenêtre pour voir la chanteuse. Mais, au même instant, la porte s'ouvrit et une vive lumière inonda la chambre. Maître Alain se retourna. Il vit Alix de Vaunois, pâle, l'œil égaré, tenant à la main un flambeau. Elle, aussi, prononça d'une voix étouffée le même nom que la chanteuse. « Didier, Didier !» Chapitre 31. Alix et Marie. Alix de Vaunois entra. Elle était bien changée. Son visage gardait les traces d'une cruelle souffrance. Ses yeux avaient ce regard morne et fixe que laisse après soi la brûlante exaltation de la fièvre. Au moment où le maître de la Trémelay avait donné le signal à ses 4 estafiers, Alix était couchée sur son lit de douleur et sommeillait péniblement. Autour d'elle veillaient Mademoiselle Olive, sa tante, et la fille de chambre, Renée, et une autre servante. Le fracas de l'attaque des loups vint réveiller Alix en sursaut et frappait d'épouvante les 3 femmes qui la gardaient. Mademoiselle Olive s'évanouit au premier coup de fusil et les 2 servantes s'enfuirent affolées par la frayeur. Alix demeura seule. Son sommeil, si court et si agité qu'il eût été, l'avait un peu reposé. Le bruit de l'attaque, en ébranlant la faiblesse de son cerveau, y ressuscita quelques vagues pensées, comme la secousse imprimée à un vase rempli d'eau y fait remonter les objets submergés. Elle eut souvenir de son entretien avec la pierre et de la mortelle douleur qui avait torturé son âme. Elle prononça le nom de son père, puis le nom de Didier, pour qui désormais sa tendresse était celle d'une sœur ou d'un ange. Puis encore elle se leva, jeta sur ses épaules une mante, prit un flambeau et quitta sa chambre. Il n'y avait personne pour la retenir. Dans le corridor, elle rencontra plusieurs loups qui, maîtres du château, le traitaient en pays conquis. Mais les loups s'enfuirent à l'aspect de cette pâle figure qui ressemblait de loin à un fantôme. Ils n'eurent garde de lui barrer le passage. Elle choisit d'instinct le chemin de la chambre de Didier. On ne peut dire qu'Alix fût en état de somnambulisme. Elle était bien réellement éveillée, mais son intelligence flottait dans un milieu obscur. Elle pensait comme on rêve. Lorsqu'elle ouvrit la porte du capitaine, seule, au milieu de la nuit, l'idée ne lui vint même pas que ce pût être un acte condamnable ou simplement en dehors des lois des convenances. Malgré les demi-ténèbres où son esprit était plongé, elle savait qu'entre elle et Didier, il existait un obstacle infranchissable, un abîme rendu plus profond par les accablantes insinuations de la pierre. Elle était résignée, elle l'avait dit à Dieu. Elle venait au secours d'un homme qui avait été son fiancé mais qui était son frère. Par l'angoisse de son dévouement, plutôt que par l'enchaînement logique de ses souvenirs et des affreux soupçons qui avaient précédé et amené sa fièvre, elle sentait que Didier était menacé de mort. Et elle venait. La scène que nous avons mis si longtemps à raconter dans le chapitre qui précède n'avait réellement duré que quelques minutes, et quand Alix arriva au seuil de la chambre de Didier, le combat avait déjà pris fin. Elle entra, comme nous l'avons dit, en prononçant le nom de celui que sa pure et pieuse conscience lui permettait, lui ordonnait de défendre. Le vieux majordome, stupéfait de cette apparition, demeura immobile et n'eut pas même la force de demander conseil à sa bouteille. Alix, qui avait fait quelques pas sans le voir, l'aperçut enfin et de sa main tendue lui désigna la porte. Le vieillard sortit aussi vite que le lui put permettre le méchant état de ses jambes avinées. Alix posa son flambeau sur la table et s'assit au pied du lit. Ses regards s'égaraient dans l'obscurité du corridor à travers la porte entrebâillée. La fièvre revenait et mettait un voile plus épais sur son esprit. « Quelle étrange odeur !» dit-elle après quelques secondes de silence pendant lesquelles son œil n'avait point cherché Didier. « Pourquoi ces hommes dorment-ils sur le carreau? Ils sont heureux de pouvoir dormir. Moi, je vais prier. » Elle mit la main sur son front et entre ses lèvres pâles, une prière coula, murmurant, puis tout à coup, elle frissonna, disant « Il ment, ce ne fut pas mon père qui dirigea le bras de l'assassin. « Didier, Didier !» cria dans la cour sous la fenêtre la voix de jeune fille que nous avons entendue déjà. « Didier !» répéta mademoiselle de Vaunois en faisant effort pour ressaisir sa pensée fugitive. « Oui, c'est vrai, je suis venue pour lui. Où est-il ? » Elle jeta son regard autour de la chambre et aperçut le capitaine dormant près d'elle. Cette vue sembla éclairer soudainement son intelligence. « Je me souviens, dit-elle, voilà que je me souviens. Il y avait dans les paroles de ce misérable valet une terrible menace. Les assassins vont venir, peut-être ? » Elle tourna avec effroi vers la porte, ses yeux qui rencontrèrent en chemin sur le carreau les trois prétendus dormeurs. En même temps, l'odeur du sang vint de nouveau blesser son odorat. « Ils sont venus ! » s'écria-t-elle. « Est-il blessé ? » « Non, il repose, Dieu soit loué. Son sommeil est tranquille. Mais qui donc a pu le défendre ?» Elle prit le flambeau et l'approcha successivement des trois cadavres. Elle reconnut la pierre, lequel gardait mort son cynique et insouciant sourire. Elle reconnut aussi l'autre valet. Le troisième visage, celui de Jude, était étranger à mademoiselle de Vaunois. Elle le considéra un instant en silence, puis se penchant tout à coup, elle prit une de ses mains et la serrant avec passion. « Que Dieu ait votre âme » murmura-t-elle avec gratitude. « Vous, dont je ne sais pas le nom, vous êtes mort pour le défendre. » Chaque matin et chaque soir, quand je serai loin du monde, je dirai une prière pour que Dieu vous reçoive en sa miséricorde. Ils étaient trois contre vous, davantage peut-être. Vous étiez un vaillant homme et un digne serviteur. Elle se releva et revint vers Didier. « Je veux rester là, reprit-elle. On n'osera pas le tuer devant moi. » Les loups, cependant, continuaient de parcourir le château. Les uns buvaient, les autres dévastaient. Le bruit du pillage et de l'orgie arrivait, comme par bouffée, le long des corridors. Lorsque ce fracas se calmait, Alix entendait, sans trop y prendre garde, des sanglots de femmes dans la cour. Parmi ces sanglots, elle crut saisir une seconde fois le nom de Didier, et son oreille s'ouvrit avidement. « Il ne m'entend pas, » disait la voix avec découragement. « Il reconnaîtrait mon chant s'il m'entendait. » Puis elle chantait parmi ses larmes. Elle cherchait dans sa détresse la forteresse, où l'anglais avait enfermé son bien-aimé. Alix se précipita vers la fenêtre. La voix continua. La nuit, elle venait dans l'ombre de la tour sombre. Elle disait sous le grand mur « Arthur, Arthur !»« Marie, c'est Marie !» dit Alix, dont le cœur battit avec force. « C'est Marie, la fiancée de Didier !» Elle ouvrit la fenêtre. « Marie » appela-t-elle. La pauvre fleur déjeunait, s'était laissée tomber sur l'herbe. Elle se releva vivement et reconnut à la fenêtre éclairée les traits pâlis de mademoiselle de Vaunois. L'avez-vous vu ? Demanda-t-elle. Il est là, répondit Alix en se tournant vers le lit. La chambre de Didier était au premier étage. La fenêtre, qui s'ouvrait sur la cour, se trouvait entourée de vigoureuses pousses de vigne dont les branches bossues descendaient tortueusement jusqu'au sol. Fleur Desgenais s'élança, légère comme un oiseau. La vigne lui servit d'échelle. L'instant d'après, elle sautait au cou d'Alix. « Où est-il » s'écria-t-elle. Alix lui montra le lit, où Didier, revêtu de son uniforme, était étendu. « Comme je souffrais » dit-elle, en essuyant une larme qui n'avait pas eu le temps de sécher et qui brillait au milieu de son sourire. « Je tremblais d'être arrivé trop tard. Merci, Alix, merci, ma bonne demoiselle. Il dort, il ne sait pas que sa vie est en danger. » « Et comment le sais-tu, toi, Marie ? » demanda mademoiselle de Vaunois, qui songeait à son père et avait peur. « Comment je le sais, Alix ? Ne sais-je pas tout ce qui le regarde ?» Les yeux des jeunes filles se rencontrèrent. Alix demanda « Le danger qui le menaçait est-il donc connu dans la forêt ?»« C'est de la forêt que vient ce danger, mademoiselle. Ils sont partis ce soir de la fosse aux loups. Béni soit Dieu qui a permis que les loups n'aient point trouvé encore la chambre où ils reposent. Il faut l'éveiller bien vite. » « Les loups ?» répéta mademoiselle de Vaunois avec terreur. « Les loups veulent-ils donc aussi l'assassiner ?»« Non, pas eux, mais un misérable, dont j'ignore le nom, et qui leur a ouvert les portes de la Trémelay. Mon père déteste le capitaine parce qu'il est français, et encore pour autre chose. Mon père a dit « Je ne frapperai pas, mais je laisserai frapper. » C'était dans notre loge qu'il disait cela, et moi j'écoutais derrière la porte de ma chambre. Je me suis jetée aux genoux de mon père m'a enfermée dans ma chambrette. Ah, que j'ai pleuré. Puis j'ai repris courage à force de prier. Regardez mes mains, Alix, elles saignent encore. J'ai brisé les volets de ma fenêtre, j'ai sauté dehors et je suis accouru à travers les taillis. Mais les murs du parc sont bien hauts, ma chère demoiselle. J'ai donné mon âme à Dieu avant de les franchir, car je croyais que l'heure de ma mort était venue. Notre-Dame de Miforêt a eu pitié de moi, Didier est sain et sauf, et je vous trouve veillant sur lui comme un bon ange. Elle s'interrompit tout à coup en cet endroit. Un nuage passa sur son front. « Mais pourquoi veillez-vous sur lui, Alix ? » demanda-t-elle. Ce fut un mouvement passager. Alix n'eut pas même besoin de répondre. Fleur Desgenais, en effet, aperçut les trois cadavres et poussa un cri d'horreur. « Notre-Dame de Miforêt a eu pitié de toi, ma fille, » répéta mademoiselle de Vaunois d'un ton lent et grave. Deux de ces hommes qui sont maintenant devant Dieu étaient des assassins. Je les connais. L'autre, que je ne connais pas, avait un cœur généreux et un bras vaillant. Plût au ciel qu'il vécût encore, car Didier n'est pas hors de péril. Ce sommeil étrange m'effraie, et je sais que les ennemis du capitaine sont capables de tout. Marie prit la main de Didier et la secoua. « Éveillez-vous, dit-elle, éveillez-vous. Mais voyez donc, Alix, il ne bouge pas. » Elle frémit de la tête aux pieds et ajouta. « Ce sommeil ressemble à la mort. » « Ce sommeil y pourrait mener, ma fille, » répondit Alix, dont les beaux traits avaient perdu leur jeune caractère et qui semblait avoir mûri de 10 ans depuis la veille. « Es-tu forte ? Je ne sais. Au nom de Dieu, aidez-moi plutôt à l'éveiller. Il ne s'éveillera pas. Aide-moi à le sauver. » Fleur Desgenais, soumettant son esprit à l'intelligence supérieure de sa compagne, vint vers elle et l'implora du regard, attendant d'elle seule le salut de Didier. Alix était une noble fille. Dieu l'éprouvait ici-bas pour la glorifier au ciel. Elle se pencha sur Fleur Desgenais et lui donna un baiser de mère. « Quand tu seras sa femme, dit-elle, sois bonne et douce toujours, et garde-lui tout ton cœur. »« Pourquoi me dites-vous cela ? » dit Marie. « Vous parliez de le sauver. » Mademoiselle de Vaunois se redressa. « Tu as raison, dit-elle. Attends-nous. » Elle passa rapidement le poignard de Jude à sa ceinture et donna celui de la pierre à Marie, qui ouvrait de grands yeux et ne devinait point le projet de sa compagne. « Tu es enfant de la forêt, reprit Alix. Tu sais monter à cheval, et tu dois être forte. Il nous faut agir en homme cette nuit, ma fille. Fais comme moi. Et si dans les corridors une âme se lève sur Didier, fais comme moi encore, et meurs en le défendant. » Un feu héroïque brillait dans les yeux d'Alix pendant qu'elle parlait ainsi. Fleur Desgenais la contempla un instant, puis baissa la tête en silence. « As-tu peur ? » demanda mademoiselle de Vaunois avec pitié. « Non, répondit Marie, mais je pense à votre dévouement, à vos espérances d'autrefois. » Alix releva sur elle ses grands yeux fiers et doux. Sans répondre, Elle passa au cou de Didier, toujours endormi, la médaille de cuivre qu'elle avait prise à la pierre la nuit où celui-ci avait tenté d'assassiner le jeune capitaine dans les rues de Rennes. Ses yeux étaient levés vers le ciel. Aussitôt ce devoir accompli, elle reprit avec énergie « Ma fille, j'aime Dieu. Tu seras ma sœur, comme Didier est mon frère. À l'œuvre, il ne doit pas s'éveiller dans la maison de mon père. » Avec une vigueur dont nul n'aurait pu la croire capable, surtout en ce moment où elle venait de quitter le lit où la clouait la fièvre, elle souleva les épaules de Didier et fit signe à Marie de soulever les pieds. Marie obéit passivement, comme un enfant qui suit sans les discuter les ordres de son maître. La couverture fut passée sous le corps de Didier, et les deux jeunes filles, la prenant par les quatre coins comme une civière, enlevèrent leur vivant fardeau. Elles fléchissaient sous le poids. Néanmoins, elles s'engagèrent résolument dans les longs corridors de la Tremblay. De toutes parts, on entendait les rires et les chants des loups, qui, par bonheur, sérieusement occupés à boire, ne troublèrent point la retraite des deux jeunes filles. Elles traversèrent sans obstacle les sombres galeries du château et arrivèrent au seuil de la cour où elles déposèrent le capitaine pour reprendre haleine. Fleur déjeunait, haletait et tremblait. Alix respirait doucement et ne semblait point lasse. Sa compagne la contemplait avec une admiration mêlée d'effroi. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Mademoiselle de Vaunois en désignant un objet qui se mouvait dans l'ombre du mur. « C'est un cheval, » répondit Marie. « Pendant que j'errai dans la cour, un valet du maître de la Tremblay, votre père, est venu l'attacher auprès de la porte. Nous n'aurons pas besoin de la clé des écuries, alors. Quant à celle de la porte extérieure, les gens de la forêt ont fait en sorte sans doute que nous puissions nous en passer. Encore un effort, ma fille. » Elles reprirent leur fardeau. Après bien des tentatives inutiles, elles parvinrent à placer le capitaine sur le cheval, et Marie, qui se mit en selle, le soutint. « Va, ma fille, » dit Alix, « j'ai fait ce que j'ai dû. À toi d'achever notre œuvre en lui trouvant un asile. » Fleur déjeunait, se pencha. Mademoiselle de Vaunois la baisa au front. « Vous êtes bonne et généreuse, mademoiselle, » murmura Marie. « Merci pour lui et merci pour moi. » Les loups avaient laissé, en effet, la porte ouverte. Alix frappa de la main la croupe du cheval qui partit aussitôt. « Que Dieu veille sur lui, » dit-elle. Puis elle s'assit sur le banc de pierre qui est l'accessoire obligé de toute porte bretonne. Maître Alain, cependant, quelque peu dégrisé par l'apparition de la fille de son maître, était allé rendre compte à M. de Vaunois du résultat négatif de l'attaque nocturne tentée contre la personne de Didier. Le vieux majordome eut de la peine à trouver son maître. Celui-ci avait quitté son appartement au premier bruit de l'attaque, avait fait seller son cheval, le cheval sur lequel Fleur déjeunait et Didier galopent à l'heure qu'il est dans les allées de la forêt. Puis, confiant dans les perfides mesures prises pour réduire les gens du roi à l'impuissance, il s'était rendu au-devant des loups qui l'avaient conduit, de sa personne, au hangar où les voitures chargées d'argent se trouvaient à couvert. Cela fait, il comptait enfourcher son cheval et courir d'une traite jusqu'à Rennes. Son plan, pour être extrêmement simple, n'en était que plus adroit. Didier, assassiné pendant l'attaque, passerait naturellement pour avoir succombé en défendant les fonds du fisc qui étaient à sa garde. Les loups seuls seraient à coup sûr accusés de ce meurtre, et lui, Vaunois, arrivant le premier à Rennes pour porter cette nouvelle, ne serait pas le moins désolé de cette catastrophe qui enlevait ainsi à la fleur de l'âge un jeune officier de si grande espérance. Il n'y avait pas jusqu'à l'intrépidité connue de Didier qui ne dût ajouter une probabilité nouvelle à la version du maître de la Tremblay. Aussi ce dernier était-il parfaitement sûr de son fait. Sa seule inquiétude, ou plutôt son seul désir, était désormais de mettre une couple de lieues entre lui et ses récents amis, les loups, dont il avait de fortes raisons de suspecter les intentions à son égard. Après avoir fait pendant 2 heures de vains efforts pour échapper à la surveillance de ses dangereux compagnons, il s'était enfin esquivé et gagnait à tâtons la porte de la cour pour trouver son cheval, lorsque Maître Alain et lui se heurtèrent dans l'ombre. Au premier mot du majordome, Vaunois fut frappé comme d'un coup de massue. Didier vivait. Tout le reste était peine perdue. « Comment, misérable lâche ! » s'écria Vaunois en blasphémant. « Vous n'avez pas pu ! Je jure Dieu que ce coquin de la pierre !»« Il est mort !» interrompit Alain. « Mort ? Mais ce démon de capitaine s'est donc éveillé ?»« Non. Mais son valet, que je n'avais pas pu reconnaître hier, était Jude Lécoeur, l'ancien écuyer de Tremble. »« Jude Lécoeur ! répéta Vaunois, qui fit le même raisonnement que la pierre et en demeura écrasé. « Mais alors, Georges Trême, c'est tout, et il vit !»« Ce n'est pas ma faute, reprit maître Alain. Jules Lecker a été tué par les nôtres. Je suis resté seul en face de ce Didier ou de ce Georges, qui dormait comme une souche. Eh bien, eh bien !» Au moment où j'allais faire l'affaire, j'ai vu une personne. « Qui ?» interrompit encore Vaunois en secouant à la brisée l'épaule du vieillard. « Qui a pu t'empêcher ?»« Mademoiselle Alix de Vaunois, votre fille, » répondit le majordome. « Ma fille ?» balbutia Vaunois. « Alix ?» Puis se redressant tout à coup, « Tu mens » s'écria-t-il avec fureur. « Tu mens ou tu te trompes ? Ma fille est sur son lit. Mais saint Dieu, dussé-je le frapper moi-même, je ne perdrai pas cette occasion achetée au péril de ma vie. » Il écarta violemment le vieil Alain qui resta collé à la muraille de la galerie et s'élança vers la chambre de Didier. Il y avait 5 minutes à peu près qu'Alix et Fleur déjeunaient l'avaient quitté. Le flambeau de Mademoiselle de Vaunois brûlait encore sur la table. Hervé, dont la cauteleuse et prudente nature était en ce moment exaltée jusqu'au transport, enjamba les 3 cadavres et se précipita sur le lit. Le lit était vide. « Échappé !» murmura Vaunois d'une voix étranglée. Il arracha follement les draps du lit et les foula aux pieds dans sa fureur. Puis il s'élança, tête baissée, vers la porte, mais il ne passa point le seuil. Un bras de fer le saisit et le repoussa au-dedans avec une irrésistible vigueur. Vaunois releva la tête et vit, debout devant lui, cet étrange personnage masqué de blanc qui fermait la marche des loups dans la forêt et dont le pauvre Jude avait admiré la merveilleuse souplesse. Vaunois voulut parler. Le loup blanc lui ferma la bouche d'un geste impérieux et entra dans la chambre à pas lents. « Toujours du sang là où tu passes, monsieur de Vaunois ? » dit-il d'une voix basse et qui vibrait profondément. Il prit le flambeau et examina successivement les 3 cadavres. Lorsqu'il reconnut Jude, un douloureux mouvement agita les muscles de son visage sous la blanche fourrure qui le recouvrait. « Il avait promis de le défendre, » murmura-t-il. « C'était un Breton. » Puis il ajouta d'un ton mélancolique, « Il n'y a plus que moi pour servir Trême vivant. » ou chérir le souvenir de Trême le mort. L'ami, dit à ce moment Vaunois, qui avait réussi à recouvrer quelque calme, je vous ai donné ce soir 500 000 livres en beaux écus. C'est bien le moins que vous me laissiez vaquer à mes affaires. Livrez-moi passage, s'il vous plaît, mon compagnon. Le loup blanc secoua sa préoccupation et regarda Hervé en face à travers les trous de son masque. Puis il se tourna vers la porte ouverte et fit un signe. 5 ou 6 hommes armés se précipitèrent dans la chambre. « À la fosse, » dit le loup blanc. Vaunois se sentit soulevé de terre et une large main s'appuya sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Quelques minutes après, étendu sur un brancard que portaient 4 hommes, au nombre desquels il crut reconnaître 2 de ses propres valets, Yvon et Corentin, masqués de fourrure, Vaunois faisait route vers la fosse aux loups. Fin de la section 18.